إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات أوصي نفسي أولا ثم إياكم بتقوى الله عز وجل ثم اعلموا أن صلة الرحم خلق من الأخلاق الكريمة التي رغب الله عز وجل فيها في كتابه الحكيم و أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة وصلة الرحم خلق يحبه الله كما أن قطيعة الرحم عمل يبغضه الله سبحانه وتعالى وصلة الرحم عمل صالح سبب لبركة العمر وسعة الرزق وانشراح الصدر وطيب النفس ومحبة في قلوب الخلق كما ورضى الله عز وجل قبل كل شيء وقطيعة الرحم سبب لمحق بركة العمر والرزق وحدوث البغضاء في قلوب الخلق ورحمك أيها المسلم رحمك من تربطك به صلة من جهة أمك وأبيك كل أولئك رحم لك وأقرب منهم أولادك وبناتك ونسلك ثم إخوتك وأخواتك أعمامك وبنو عمك ثم عماتك أخوالك وخالاتك ومن ينتسب إليهم من بني عم أو بني أخوال وخالة كل أولئك رحمك الذي يجب عليك أن تصلهم ويحرم عليك قطيعتهم Sachez, chers musulmans et musulmanes, que de nouer le lien de parenté fait partie des actes recommandés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son noble livre. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans sa sunna purifiée. De nouer les liens de parenté est un acte qui est aimé chez Allah, de même que de rompre les liens de parenté est un péché qui est détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La voiture immatriculée AF624 Audi A3, gêne les travailleurs. Barakallahu fikoum. Et sache qu'en nouant les liens de parenté, eh bien, à travers cette obéissance que tu auras fait à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal bénira ta durée de vie. Il bénira ta pourvoyance. Il fera en sorte que ton cœur soit apaisé et que tu sois aimé des gens et avant tout bien sûr que tu obtiennent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'inverse est vrai, à savoir que si tu romps les liens de parenté, eh bien, à cause de cette rupture, Allah azza wa jal ôtera la bénédiction dans ta durée de vie. Il ôtera la bénédiction dans ta subsistance et cela créera et animera de la haine et les gens te détesteront et ne t'apprécieront en aucun cas. Et lorsque l'on dit les liens de parenté, ce sont toutes les personnes qui ont un lien avec toi de par ta mère ou de par ton père. Ce sont toutes des personnes qui ont un lien de parenté avec toi. Et les plus proches, bien sûr, ce sont tes enfants, garçons et filles, puis tes frères et sœurs, puis tes tantes, puis tes oncles paternels et tes cousins, puis tes tantes paternelles, ainsi que tes tantes et tes oncles maternels et les enfants qu'ils ont. Tous ceux-ci sont considérés comme faisant partie ou comme ayant un lien avec toi, un lien de parenté que tu dois absolument nouer et que tu dois absolument préserver et que en aucun cas tu ne dois rompre. Wa inna salata ar-rahim takunu imma bil imdad bil mal li faqirihim يقول عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة وهو حديث حسن رواه الترمذي والنسائي في سننهما وكذلك إعانة محتاجهم ودفع الضرر عنهم والعفو عن زلاتهم وهفواتهم وتحمل أخطائهم وزيارتهم وهكذا تكون صلة الرحم. ثم أعلم أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة إن الله عز وجل يقول في محكم تنزيله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ففي هذه الآية أمر الله عز وجل بتقواه وأمر بتقوى الرحم بصلتها وعدم القطيعة. وقال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. ومدح الله عز وجل الواصلين بقوله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وإن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت كذلك لتدل على فضل صلة الرحم وبيان ما يترتب على هذه الصلة من الفوائد العظيمة. فأولا يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. ولما ابتدأ الوحي بنبينا صلى الله عليه وسلم في أول الوحي خشي مما رأى وجاء إلى خديجة فحدثها بما رأى فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري ومسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقال مه يعني ما لك؟ فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال أي الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال فذلك لك. رواه البخاري ومسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة. سأله أعرابي فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أبر البر صلة الرجل لأهل ود أبيه. رواه مسلم. لأهل ود أبيه، أي لأصدقاء أبيه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم سبب لبركة العمر وسعة الرزق، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: من أحب أن ينسأ له في أثره، أي أن يؤخر أجله ويبارك له في رزقه، فليصل رحمه. أيها المسلمون، وليست صلة الرحم بتبادل المنافع، إن وصلك رحمك وصلته، وإن ابتعد عنك ابتعدت عنه. ليس الصلة على هذه الصفة، فتلك مكافأة، مكافأة البعض للبعض، ولكن أمر صلة الرحم فوق ذلك كله. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافي، وإنما الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. رواه البخاري في صحيحه. Et sachez que le lien de parenté a lieu ou peut avoir lieu de plusieurs façons et il a différentes natures. Tu peux nouer les liens de parenté en aidant financièrement tes proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône que tu fais à un pauvre est une aumône. Mais l'aumône que tu fais à la personne qui a un lien de parenté avec toi, ce sont deux choses. C'est une aumône et c'est considéré également comme le fait de nouer le lien de parenté. Également, d'aider parmi eux ceux qui sont dans la nécessité, de repousser ceux parmi eux qui sont victimes d'un mal, de pardonner leurs erreurs, de supporter leurs erreurs, de leur rendre visite. Tout ceci est considéré comme, sont considérés comme des actes par lesquels ou par lesquels tu préserves les liens de parenté. Et Allah Azza wa Jal nous demande de le craindre et nous demande de craindre le lien de parenté, à savoir de le préserver et en aucun cas de le rompre. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqarah, selon le sens et lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, Banu Israël, de n'adorer qu'Allah et de faire le bien envers les pères et mères et proches parents. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, en faisant l'éloge de ceux qui préservent les liens de parenté et ceux qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent un jugement malheureux. Et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam est-elle aussi pleine de recommandations et d'exhortations à nouer ce lien de parenté et à prendre garde à ne pas le rompre. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux envers son invité. Et que celui qui craint en Allah et que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il noue le lien de parenté, et que celui qui craint, qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien, ou bien alors qu'il se taise. Et lorsque la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte de Hira, Le prophète alayhi salatu wassalam était terrifié et il est parti se réconforter auprès de sa femme radiyallahu anha et pour le consoler comme cela était de son habitude radiyallahu ta'ala anha de consoler le prophète sallallahu alayhi wasallam, de le soutenir, de l'encourager. Elle lui a dit radiyallahu anha, n'aie pas peur, nulle crainte, je jure par Allah qu'Allah ne t'humiliera jamais, car tu noues les liens de parenté et tu es généreux envers le pauvre et tu donnes aux gens ce qu'ils ne trouvent chez personne d'autre que toi et tu wa tu'inu ala nawa'ib al-haq. Les savants ont expliqué cela en disant que aucun mal ne peut atteindre de par ce qu'Allah Azza wa Jal a mis en toi ou a inculqué en toi comme bon comportement, comme l'a dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans l'explication de ce hadith. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par al-Bukhari Muslim, lorsqu'Allah a créé la création, le lien de parenté s'est levé et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: qu'as-tu? Il a répondu: c'est l'endroit ou c'est la place de celui qui demande refuge auprès de toi contre la rupture du lien de parenté. Puis Allah Azza wa Jal s'est adressé au lien de parenté et a dit: n'aimerais-tu pas que je noue avec ceux qui te nouent et que je coupe ceux qui te coupent? Le lien de parenté a répondu: oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Azza wa Jal a dit: cela t'appartient. Cela t'appartient, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam a informé que de nouer les liens de parenté est un acte qui fait entrer au paradis. Un bédouin a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: oh envoyé d'Allah, montre-moi un acte qui me fera entrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: c'est d'adorer Allah et de ne rien le lui associer, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat et de nouer les liens de parenté. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et parmi les actes qui sont les plus pieux et qui sont les meilleurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'un homme noue des liens avec les amis de son père. Avec les amis de son père et bien sûr ceux qui ont un lien de parenté prévalent sur les amis de ton père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que de nouer le lien de parenté est un acte à travers lequel Allah azza wa jal met de la bénédiction dans ta durée de vie et dans ta pourvoyance. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui désire que son temps de vie soit allongé et que soit béni sa pourvoyance et sa subsistance alors qu'il noue le lien de parenté. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et de nouer le lien de parenté, chers musulmans et musulmanes, ce n'est pas de nouer le lien avec celui qui le noue déjà avec toi. Et ce n'est pas de t'éloigner de celui qui s'est déjà éloigné de toi. Cela n'est pas considéré comme nouer un lien de parenté. Ceci est rendre la monnaie à celui qui t'a fait du bien. Quant à nouer le lien de parenté, c'est quelque chose de plus grand. C'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur et qui demande beaucoup plus d'efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce n'est pas considéré comme nouant les liens de parenté, c'est-à-dire de façon parfaite, celui qui rend la monnaie, c'est-à-dire celui qui noue avec celui qui noue le lien de parenté avec lui. Mais celui qui noue les liens de parenté, c'est celui qui lorsque ce lien est rompu, il le noue et il le répare et il fait en sorte que ce lien soit uni. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثم اعلموا ايها الاخوه ان نبينا صلى الله عليه وسلم بين في سنته ان واصل الرحم قد يتعرض لامور من رحمه معاكسا لفعله هو يبدي الصله وهم يبدون القطيعه وهو يحلم وهم يجهلون وهو يقربهم وهم يبعدونه وهو يتودد اليهم وهم يبغضونه ومع هذا كله أمره بملازمة الصلة وبين له ما يترتب على هذا من الثواب فقال رجل يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير أي معين ودافع ما دمت على ذلك وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه فصل الرحم بما تستطيع وأعظم الصلة دعوة من خالف الحق إلى الحق وهدايته للطريق المستقيم وإبعاده عن الظلم فإن لم تقدر بمالك فصل رحمك بزيارتهم وصلهم بالدعاء لهم وصلهم بكف الضرر عنهم وإمساك اللسان عن التحدث بعيوبهم وزلاتهم وعدم مقابلتهم بما يسوءهم واعلم أنه قد يحدث بينك وبين رحمك نزاع أو خلاف فإياك أن توسع هوة الخلاف وإنما تسعى في تضييقها Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans sa sunna authentique sallallahu alayhi wa sallam que celui qui noue les liens de parenté peut être amené à avoir en face de lui des réactions contraires à ce qu'il offre. Il veut nouer les liens de parenté et de l'autre côté, ils veulent les rompre. Il est doux avec eux et ils sont répulsifs. Il veut se rapprocher d'eux, mais eux veulent s'éloigner d'eux. Il a de l'amour pour eux, ils ont de la haine pour lui. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de persister à préserver ce lien de parenté, même s'il y a en face de nous des personnes qui ne veulent pas le bien et qui éprouvent et expriment de la haine vis-à-vis de nous. Un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par Muslim dans son Sahih, « Ô envoyé d'Allah, j'ai des personnes qui ont un lien de parenté avec moi, que je préserve le lien, mais ils le coupent. Et je suis bienfaisant envers eux, et ils sont mauvais vis-à-vis de moi, et je suis doux envers eux, et ils sont durs envers moi. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si ce que tu dis est comme tu l'as cité, alors c'est comme si tu leur donnais du sable chaud à manger. Et Allah Azza wa Jal ne cessera de mettre avec toi ou à tes côtés une personne qui va t'aider tant que tu restes dans cet état. Allah Azza wa Jal enverra qui t'aidera tant que tu resteras dans cet état. Et les savants ont expliqué, comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah, c'est-à-dire, c'est comme si tu leur donnais à manger du sable chaud, qui est une image de la douleur qu'ils vont ressentir, comme ressent ou comme souffre celui qui mange du sable chaud, et qu'il n'y a rien à reprocher à celui qui le donne. Noue donc les liens de parenté comme tu le peux, et la meilleure façon par laquelle tu peux nouer le lien de parenté, c'est bien sûr d'appeler à la vérité celui qui ne l'est pas, et de le guider sur le droit chemin, et de l'éloigner de tout mal. Et si tu n'as pas la possibilité de les aider financièrement, alors rends leur visite. Et noue et préserve les liens de parenté à travers des invocations que tu feras au bénéfice de ces personnes. Et également, tu peux nouer le lien de parenté en leur épargnant ton mal. Et en maîtrisant ta langue pour ne pas qu'elle parle des péchés et des défauts des personnes qui te sont proches, et également de ne pas les offenser. Et sache que s'il y a entre toi et les personnes avec qui il y a ou tu as un lien de parenté, des divergences ou des discordes, alors prends garde à ne pas élargir cette discorde et à ne pas envenimer la situation, mais agis plutôt pour que cette discorde soit éteinte et pour que la situation redevienne régulière au plus vite. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، احذر أيها المسلم من قطيعة الرحم، فقطيعتها عنوان قسوة القلب، عنوان قسوة القلب وضعف الإيمان. يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذه أيها المسلمون عقوبة القاطع لرحمه، عقوبته يوم لقاء ربه، تلك العقوبة العظيمة. يقول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. فسمى الله القطيعة فسادا في الأرض، والله لا يحب المفسدين. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وعيد على القاطعين شديد. ويقول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم. وتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, prenez garde à ne pas rompre les liens de parenté, car de rompre les liens de parenté, c'est un acte qui révèle la dureté de ton cœur et la faiblesse de ta foi. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, si vous vous détournez, ne risquerez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudit, a rendu sourd et a rendu leurs yeux aveugles. Ceci est le châtiment de celui qui rompt les liens de parenté, le châtiment qu'il aura le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, un immense châtiment. Allah azza wa jalla a commencé ce verset en disant, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre. Allah azza wa jalla a donc appelé ou a considéré de rompre le lien de parenté comme semant la corruption sur terre. Et il dit subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux-là qu'Allah a maudit, a rendu sourd et a rendu leurs yeux aveugles. Quel dur châtiment encourt celui qui rompt les liens de parenté. Et Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Ar-Ra'd, Sourate le tonnerre, le verset 25, selon le sens, mais ceux qui violent leur pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, après l'avoir engagé et rompt ce qu'Allah a commandé d'unir et commande le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. La malédiction et la mauvaise demeure, wal'iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer la gravité de rompre le lien de parenté, a dit, tout péché, Allah subhanahu wa ta'ala, retarde ce qu'il veut, c'est-à-dire il retarde le châtiment de celui qui a commis un péché à qui il veut, jusqu'au jour du jugement, sauf l'injustice, le manque de respect envers les parents ou de rompre les liens de parenté, car Allah précipite le châtiment de celui qui commet ce péché dans cette vie d'ici-bas avant qu'il ne meure. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs actes ou les actes les plus aimés chez Allah sont la foi en Allah, puis de nouer les liens de parenté, puis d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et les actes les plus détestés chez Allah, c'est le fait de lui associer et de rompre les liens de parenté. Et je terminerai par le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le lien de parenté est suspendu au trône d'Allah. Et il dit, c'est-à-dire le lien de parenté, celui qui me noue, Allah le nouera, et celui qui me coupe, Allah le coupera. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا ممن يصلون أرحامهم. اللهم اجعلنا ممن يصلون أرحامهم. اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة الرحم. اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة الرحم. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.